إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va continuer à la place où on était la dernière fois, et on expliquait la dernière fois les choses qui ont rapport avec al-iman dans le Coran. On est rendu à al-iman dans le Coran, al-iman fil Coran. Et puis il y a différentes questions, il y a différents points dans la question de al-iman, et le cheikh il traite de ces questions là au sujet desquelles il y a eu parfois des divergences entre les gens qui se disent musulmans, c'est-à-dire entre les firaq. Donc il y en a qui ont dévié dans la question de l'iman, et il y en a qui sont restés sur le droit chemin, sur la voie de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, et qui ont suivi les salaf salih sur la question de l'iman. Donc c'est ce qu'on est en train d'expliquer. Maintenant, le point qu'on va expliquer aujourd'hui, c'est, ou un parmi les points qu'on va expliquer aujourd'hui, c'est un point qu'on appelle al-farq bayna al-islam wa al-iman. Ok, le chef il dit masailun fil islam wa al-iman. Ok, ça c'est le titre général des questions au sujet de l'islam et de la foi, al-iman. Et le point spécifique qu'on va traiter maintenant, c'est al-mas'alatul ula al-farq bayna al-islam wa al-iman. C'est quoi la différence entre l'islam et l'iman? C'est quoi la différence entre l'islam et la foi? Parce que des fois ça pose des problèmes de compréhension parfois chez les gens. Ils se demandent, est-ce que le musulman c'est un croyant, ou bien est-ce que le croyant c'est quelque chose d'un peu plus qu'un musulman, ou etc. Donc le cheikh va expliquer ça. Il dit إِذَا ذُكِرَ الْإِسْلَامُ وَالْإِيمَانُ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ مِنَ النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ أَوْ ذُكِرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي مَوْضِعٍ فقد ذكر العلماء لذلك قاعدة وهي أنها إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. Donc le cheikh il dit, lorsqu'on mentionne l'islam, al-islam et al-iman dans un même texte, hein, en même temps, c'est-à-dire les deux mots sont mentionnés dans le même verset ou dans le même hadith en même temps, eh ben les ulama ils ont établi une règle, hein. Par contre, si parfois, donc il y a deux cas, soit que l'islam et l'iman, les deux mots soient utilisés dans le même texte, ou bien que les deux soient mentionnés individuellement, c'est-à-dire dans un texte on mentionne uniquement l'islam, et dans un autre on mentionne uniquement l'iman. Ok, donc les ulama ils ont expliqué une règle générale pour comprendre comment on doit comprendre le fait que des fois ils sont mentionnés ensemble et des fois ils sont mentionnés séparément. Et qu'est-ce que ça veut dire quand ils sont mentionnés ensemble, et qu'est-ce que ça veut dire quand ils sont mentionnés séparément? Et cette règle-là, elle est très simple en fait. Ça dit ayyuhuma hiya hadhihi al-qa'ida hiya annahuma idha ijtama'a iftaraqa وَإِذَا افْتَرَقَ اِجْتَمَعَ. C'est-à-dire, ces deux mots-là, al-islam et al-iman, s'ils sont ensemble, ils sont différents, ou ils sont séparés, et s'ils sont séparés, ils sont réunis. Pardon. Donc, la règle est simple, en fait. Là, je l'ai traduit seulement littéralement, c'est-à-dire tel quel. Quand les deux termes sont ensemble, on les sépare, et quand les deux termes sont séparés, on les réunit. Ça, c'est, disons, la traduction littérale, parce que le cheikh, il va expliquer plus en détail qu'est-ce que ça veut dire par la suite. D'accord? Donc, l'important de comprendre ou de mémoriser cette règle pour bien comprendre, c'est que lorsqu'ils sont séparés, lorsqu'ils sont ensemble, ils sont réunis, ils sont séparés, et lorsqu'ils sont séparés, ils sont réunis. Voici ce que ça veut dire. Le cheikh dit, « Ey, إِذَا اجْتَمَعَ فِي الذِّكْرِ اِفْتَرَقَ فِي الْمَعْنَى فَكَانَ الْإِسْلَامُ مَعْنَاهُ الْأَعْمَالَ الظَّاهِرَةِ وَالْإِيمَانُ مَعْنَاهُ الْأَعْمَالَ الْبَاطِنَةِ أَعْمَالُ الْقُلُوبِ كما ذكر في حديث جبريل حيث فسر الأعمال الظاهرة بالإسلام فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة. Donc maintenant le cheikh il explique la première partie de la règle qui dit que lorsqu'ils sont réunis, c'est-à-dire lorsqu'on les mentionne ensemble dans un texte, dans un hadith ou dans une ayah dans le Coran, eh bien leur signification est séparée, c'est-à-dire ils ont deux significations différentes. Donc dans un cas pareil, lorsqu'ils sont mentionnés ensemble dans un texte, dans un même texte, eh bien l'islam, sa signification, ce sera les actions apparentes, les actions du corps, les actions de la langue, la parole, le fait de prononcer les paroles de la foi et des choses de ce genre, et le fait de faire les œuvres, hein, les actions comme la salat et tous les autres actes d'adoration extérieure. Donc ça, c'est quand ils sont mentionnés ensemble, l'islam a cette signification-là. Par contre, al-iman, elle a la signification des actes qui sont intérieurs, des actions qui sont intérieures comme les actions du cœur. Comme par exemple, pour expliquer ça, on peut donner comme exemple le hadith de Jibril. C'est ça ce que le cheikh explique. Dans le hadith de Jibril, l'Iman, l'Islam et l'Iman sont mentionnés ensemble. Donc, étant donné qu'ils sont mentionnés l'Islam et l'Iman ensemble, leurs significations sont différentes. Dans le sens que l'islam, dans le hadith de Jibril, ça implique les actes d'adoration extérieure, et l'iman implique la foi, de croire en Allah, en ses messagers, en ses livres, au jour dernier, al-qada wal-qadar, al-mala'ika, toutes ces choses-là, al-kutub. Donc ça c'est les deux significations sont différentes, malgré que les deux mots sont réunis dans le même hadith ou dans le même texte. Donc ça c'est l'explication pour lorsque on a expliqué pour la première partie de la règle qui est lorsqu'ils sont réunis, ils se séparent dans leur signification. Maintenant pour la deuxième partie, le cheikh il dit وَإِذَا ذُكِرَ الْإِسْلَامُ مُنْفَرِدًا دَخَلَ فِيهِ الْإِيمَانُ وَإِذَا ذُكِرَ الْإِيمَانُ مُنْفَرِدًا دَخَلَ فِيهِ الْإِسْلَامُ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ الْإِيمَانُ إِلَّا لَا يَصْلُحُ الْإِسْلَامُ إِلَّا بِالْإِيمَانِ ولا يصلح الإيمان إلا بالإسلام. Donc le cheikh il dit que si on a mentionné dans un texte l'islam individuellement ou toute seule, alors l'iman est inclus dans l'islam. Et lorsqu'on mentionne l'iman tout seul, individuellement, eh ben l'islam est inclus dans l'iman. Parce que il peut pas y avoir un islam sans la foi. Et il ne peut pas y avoir de foi sans l'islam. Hein? Les deux sont reliés. Donc c'est pour ça que le cheikh il dit, ça c'est l'explication de la deuxième partie de la règle qui dit que lorsqu'ils sont séparés, ils sont réunis dans leur signification. D'accord? Et le cheikh il dit, وهذا هو الإيمان في الكتاب والسنة ومذهب أهل السنة والجماعة. Donc il dit que, le cheikh il dit que ça c'est la foi, l'iman dans le Coran et dans la Sunna, et c'est le madhab de Ahl Sunnati wal Jama'a. Parce que quelqu'un, par exemple, lorsque il dit « ana muslim », hein, eh ben automatiquement, il faut que il peut pas être muslim sans avoir la foi en, disons, la base de la foi qui est « al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyum al-akhir wa al-iman bil qadari khayrihi wa sharrihi ». Donc s'il dit « je suis musulman » mais qu'il ne croit pas en ces choses-là, alors il n'est pas mu'min, il n'est pas muslim non plus. Tandis que si quelqu'un dit « ana mu'min » et qu'il se, il dit « ana mu'min », il faut qu'il applique les actions extérieures également, sinon il n'est pas un vrai mu'min. D'accord ? Donc ça y est pour ce point-là. Maintenant, le cheikh, il explique un deuxième point. Il dit « Al-mas'alatu thaniya, ma yazulu bihi l'iman bil-kulliya, wa ma yanqusu bihi l'iman. » Donc le cheikh, maintenant, il explique un point qui est « Qu'est-ce qui annule complètement la foi, qui fait complètement disparaître la foi, et qu'est-ce qui le fait diminuer ? Qu'est-ce qui fait diminuer la foi ?» Le شيخ يلتي هذه مسألة مهمة جدا مهمة جدا والإيمان يزول بالكلية بأمور منها. شيخ dit ça c'est une question très très importante et la foi elle peut disparaître en entier à cause de certaines choses et il les mentionne. Il dit premièrement الشرك بالله عز وجل والكفر به سواء كان الكفر بالجحود أو التكذيب أو الشك أو بالاستهزاء بما أنزل الله أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن أو بالسنة أو بشعائر الدين أو بفعل الكفر أو النطق به فهذه الأمور يزول بها الإيمان زوالا كليا ولهذا تسمى نواقض الإيمان وتسمى بخصال الردة. Donc le cheikh il dit que premièrement, qu'est-ce qui annule complètement la foi, c'est al-shirk billah, le fait de commettre al-shirk, hein, et al-kufr, de faire le kufr à Allah subhanahu wa ta'ala également. Le cheikh il dit, peu importe que ce kufr là qu'on ait fait, peu importe qu'il soit par exemple juhud, c'est-à-dire le fait de renier ou de rejeter quelque chose de la religion qui est connu, ou bien c'est-à-dire de rejeter quelque chose de la religion qui est connue avec connaissance, hein, ou bien de renier, de démentir quelque chose qui fait partie de la religion avec connaissance, que ce soit dans les règles ou dans les informations de qu'est-ce qui a rapport avec al-rayb ou des choses de ce genre, ou bien par le doute, le fait de douter en quelque chose au sujet duquel Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre une révélation, soit dans le Coran ou dans la Sunna, et le fait de se moquer de quelque chose qui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait de se moquer de quoi que ce soit de la religion, hein, ça fait sortir de l'islam, ou bien yani, de se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien de se moquer du Coran ou de la Sunna, ou des règles religieuses, des règles de la religion. Ou bien, yani, on peut également annuler sa foi par une action qui a rapport avec le kufr, ou bien une parole de kufr également. Et toutes ces choses-là, elles font disparaître complètement la foi en entier. Et c'est pour ça qu'on appelle ces choses-là nawaqid al-islam. Nawaqid al-islam, ça veut dire les choses qui annulent l'islam de quelqu'un. Comme quand on dit par exemple... le wudu, quand on a fait quelque chose qui annule notre wudu, on appelle ça nawaqid al-wudu, les choses qui annulent ton wudu. Eh bien, il y a des choses également qui peuvent annuler ton islam, te faire quitter l'islam, et c'est pour ça qu'on les appelle nawaqid al-islam ou nawaqid al-iman. Et puis également le cheikh dit qu'on peut les appeler khisal al-ridda, c'est-à-dire les points qui font apostasier quelqu'un, qui le font quitter l'islam. Après le cheikh il dit wal murad bil shirk ash-shirk al-akbar wa kadha al-kufr al-akbar wa mithluhu an-nifaq al-i'tiqadi fayazul al-iman bil aqwali wal af'ali wal i'tiqadat al-kufriyya wa ash-shirkiyya. Donc le cheikh il dit que qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit le shirk qui annule complètement l'islam, on parle du shirk majeur, On parle du shirk majeur. Et de même qu'on parle du kufr majeur. Parce qu'on sait qu'il y a un kufr mineur et qu'il y a un kufr majeur. Hein. Donc il ne faut pas mélanger ces deux catégories-là. Et en ce qui concerne les détails du kufr, eh ben, le prochain chapitre dans le livre, c'est justement, ça parle justement du kufr dans Al-Qur'an. Donc, on va laisser les choses pour plus tard, c'est les détails de ces questions-là, puisque le chef, il va les expliquer dans quelques pages. D'accord? Donc, le chef, il dit, donc c'est le shirk et le kufr majeur, le shirk et le kufr majeur qui font sortir de l'islam. Et il dit également que an-nifaq al-i'tiqadi, c'est-à-dire l'hypocrisie, hein, qui est dans les croyances, dans le cœur, ça, parce qu'il y a deux formes de nifaq, nifaq al-amali, nifaq dans les actions, on a déjà parlé de ça au début, et an-nifaq al-i'tiqadi, c'est-à-dire dans les cours précédents, on avait parlé de nifaq, qu'on a expliqué surat al-Baqara au début. Donc ça a été déjà clarifié. Le cheikh il dit فَيَزُولُ الْإِيمَانُ بِلَقْوَالِ وَلَفْعَالِ وَلِيَتِقَادَاتِ الْكُفْرِيَ وَالشِّرْكِيَّ. Donc la foi peut être annulée, comme on a dit tout à l'heure, par les paroles, par les actions et par les croyances qui sont reliées au kufr et au shirk. Donc c'est pas le kufr, c'est pas une, ou le shirk ou le kufr, c'est pas uniquement c'est-à-dire le fait que notre foi disparaît ou qu'on perd notre foi, c'est pas uniquement relié à dire qu'on ne croit plus ou des choses de ce genre, mais on peut quitter la foi par des paroles ou par des actions ou par des croyances qui sont opposées aux principes fondamentaux de l'islam. Après, le cheikh il dit وَيَزُولُ أَيْضًا بِتَرْكِ الصَّلَةِ. Le cheikh il dit qu'il y a également une autre chose qui fait annuler quelque chose d'autre qui fait annuler la foi de quelqu'un, et il dit que c'est le fait de quitter la salat. Et il dit قال sallallahu alayhi wa sallam بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أخرجه مسلم وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ومراده بالكفر هنا الكفر الأكبر. Donc le cheikh il dit que le fait que quelqu'un abandonne la salat, eh ben ça lui fait perdre complètement sa foi. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, entre l'homme et entre le shirk et le kufr, il y a le fait d'abandonner la salat. Et il y a un autre hadith, et celui-là est mentionné dans Sahih Muslim, et l'autre c'est un hadith qui dit l'entente ou le pacte qui est entre nous et eux, c'est la salat. Alors celui qui l'abandonne, alors il a mécru, faqad kafar. Ok, donc ça c'est deux hadiths. Celui-là est mentionné dans je pense qu'il est mentionné par l'imam Ahmed dans l'imam Sunan al-Musnad de l'imam Ahmed. Le cheikh il dit que ces deux hadiths-là, quand il mentionne le verbe kafar ou bien le terme kufr, il dit que ça implique le kufr majeur. D'accord? Et ça c'est la position du cheikh. Et la position de la plupart des ulama en Arabie Saoudite, c'est que la personne qui laisse la prière complètement, il est kafir. Qu'il, peu importe qu'il l'ait abandonné par paresse ou par négligence, ou bien qu'il l'ait rejeté son obligation, pour eux, les deux cas sont font que quelqu'un quitte l'islam. Et on a déjà parlé du fait qu'il y a un désaccord à ce sujet-là. Naam. Donc le cheikh il dit que la preuve que pour lui que c'est un kufr akbar, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran au sujet des mujrimin, des criminels, dans sourate Al-Muddathir, le verset 42 et 43, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum min al-musallin. Donc, le chef, il donne comme preuve, il dit que, yani, qu'est-ce qui vous a ramené à Saqar, c'est-à-dire, qu'est-ce qui vous a fait entrer dans l'enfer? Ils ont répondu, c'est-à-dire, les criminels ont répondu, nous ne faisions pas partie de ceux qui font la salat. Donc, le chef, il dit, فَالسَّبَبُ الْأَوَّلِ لِدُخُولِهِمْ سَقَرْ هُوَ تَرْكُهُمْ الصَّلَةِ. فمن ترك الصلاة متعمدا فقد كفر سواء كان جاحدا لوجوبها أم غير جاحد أما من تركها جاهلا أو تركها ناسيا أو تركها نائما أو تركها بزوال عقله فهؤلاء لا تشملهم نصوص الوعيد على تركها. Donc le cheikh il dit que la cause, comme on a dit, pourquoi ils ont été rentrés en enfer, c'est à cause du fait qu'ils avaient abandonné la salat ou qu'ils ne faisaient pas la salat. Et le cheikh il dit que celui qui abandonne la salat intentionnellement, alors il a mécru. Peu importe qu'il l'ait renié son obligation ou qu'il ne l'ait pas renié. En ce qui concerne celui qui l'a abandonné par ignorance ou par oubli, ou qui l'a abandonné parce qu'il dormait, ou bien qu'il a perdu la raison, ceux-là, ils ne sont pas inclus dans les textes de la menace au sujet de celui qui abandonne la salat. Cheikh ensuite, il dit « وكذلك يزول الإيمان بتعلم السحر وتعليمه » Une autre chose qui annule complètement la foi et qui fait sortir quelqu'un de la foi, de l'iman, c'est le fait d'enseigner la magie, al-sihr, et de l'apprendre. Hein? Le fait de l'enseigner, al-sihr, ou de l'apprendre. Parce que quelqu'un ne peut pas l'apprendre sans avoir mécru. Et celui qui a accepté de l'apprendre également, eh bien, il a mécru également. Après, le cheikh il dit « وَيَزُولُ الْإِيمَانُ بِالدِّعَاءِ عِلْمُ الْغَيْبِ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهِ تَعَالَى » Donc, le cheikh il dit également une autre chose qui annule complètement ta foi, c'est le fait de prétendre de connaître la connaissance de l'invisible, comme par exemple la connaissance que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît, comme connaître l'avenir, connaître l'invisible, les choses cachées, des choses de ce genre, que seul Allah connaît, ça c'est kufr, yani. Celui qui prétend connaître ça, eh ben, c'est comme si, yani, il a prétendu avoir une attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est shirk également. Donc ça fait quitter quelqu'un les rangs de l'islam. Et quelqu'un qui croit par exemple que quelqu'un peut connaître le ghaib, hein, quelqu'un qui croit qu'une personne peut connaître l'invisible, eh ben, elle aussi elle quitte l'islam. Il y a beaucoup de gens qui prétendent ça, comme les gens qui disent la bonne aventure ou qui prétendent connaître l'avenir ou des choses de ce genre. Ceux-là rentrent dans ce point-là. Et il y a beaucoup de soufis hein, également qui prétendent connaître Al-Ghayb, hein, qui prétendent avoir des révélations ou qui prétendent qu'ils rencontrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient leur raconter des choses. Ou bien il y en a d'autres qui prétendent même carrément qu'ils sont capables de monter dans l'Lawh al-Mahfouz, c'est-à-dire dans les tables préservées, pour aller lire qu'est-ce qui est écrit dedans au sujet de l'avenir. Et ça, c'est des idées dans les livres des soufis. Et pour eux, c'est des choses normales, alors que c'est des idées qui ont rapport avec le kufr. Ensuite, le cheikh il dit ويزول الإيمان بالحكم بغير ما أنزل الله إذا اعتقد أنه أحسن من الحكم بما أنزل الله أو مساو له أو أنه مخير أن يحكم بها أن يحكم بهذا أو هذا فهذا يكفر الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة وللإيمان نواقض كثيرة ذكرها العلماء في كتب الاعتقاد وكتب الفقه وبعضهم أفردها بالتأليف. Donc le cheikh il dit que également la foi d'une personne est complètement annulée en entier si elle juge par autre que ce que Allah a révélé, par exemple dans les cas où la personne croit que la loi qui est ou la chose par laquelle elle juge qui est contraire à ce que Allah a révélé, elle croit que ça c'est meilleur que ce qu'Allah a révélé. Donc dans le cas où la personne croit que qu'est-ce qui est autre que la loi d'Allah est meilleur que la loi d'Allah, ou qu'est-ce qui n'est pas révélé par Allah est meilleur pour juger que ce que Allah a révélé, eh bien celui-là il est kafir. Ou bien celui qui croit que c'est équivalent, hein, il croit que ce qui n'est pas révélé par Allah est équivalent avec ce que Allah a révélé. Ça, c'est un autre exemple de cas qui fait que quelqu'un quitte la foi. Également, une autre personne qui croit qu'il a le choix de juger entre celui-là ou celui-là. C'est-à-dire, il croit qu'il a le choix de juger par ce qu'Allah n'a pas révélé ou de juger par ce qu'Allah a révélé. Il croit que c'est permis de juger par autre que ce qu'Allah a révélé. Et dans ces cas-là que le cheikh a mentionné, ça c'est un kufr akbar qui fait quitter la foi complètement. Tandis que il y a d'autres cas, dans certains cas par exemple, ça rentre pas dans le kufr majeur qui font quitter l'islam, comme ça a été expliqué par les ulama, qu'il y a dans certains cas, comme par exemple le cas où une personne juge selon ses passions, ses désirs, tout en reconnaissant qu'il est, obligé de juger selon la charia, mais il suit son désir et sa passion, et bien dans ce cas-là, il n'est pas kafir. C'est seulement un kufr asrar, un kufrun duna kufr, comme les salafs ont expliqué ça. أما المعاصي التي هي دون الشرك ودون الكفر فهذه ينقص الإيمان بها ولا يزول بالكلية وذلك كشرب الخمر والسرقة والزنا وأكل الربا من غير استحلال له والكذب والغيبة والنميمة فهذه كبائر كبائر فهذه كبائر ينقص الإيمان بها لكن لا يزول وينقص حتى ربما وصل إلى مثقال ذرة أو أقل من ذلك كما سبق بيانه ولكنه لا يخرج الإنسان من الدين لقوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Le cheikh il explique maintenant que les péchés qui sont qui sont moindres que le kufr et le shirk, eh ben ceux-là, ils ne font pas complètement perdre la foi ou ils ne font pas complètement annuler la foi de quelqu'un, mais ils la diminuent. Ils la diminuent puis ils la rendent, incomplète. Et puis le cheikh il dit que des exemples de ces péchés-là, c'est comme par exemple le fait de boire de l'alcool, ou bien de voler, ou de faire zina, la fornication et l'adultère, de manger à riba, c'est-à-dire de prendre de l'argent qui paraît avec de l'intérêt, à riba, sans toutefois le rendre halal. Il faut bien spécifier que si quelqu'un rend ou déclare une de ces choses-là halal, ou croit que c'est halal avec connaissance, eh ben elle quitte l'islam. Elle a renié une interdiction qui est claire. D'accord? Dans des cas comme ça, oui, la personne quitte la foi. Mais tant qu'elle n'a pas été reconnue, tant qu'elle n'a pas dit que c'est halal de le faire, elle reste dans la foi, dans les limites de la foi. Le cheikh, il dit que également, al-kazib, le mensonge par exemple, al-riba, le fait de parler dans le dos, dans l'absence d'une personne, de dire des choses mauvaises dans l'absence d'une personne. An-namima, le fait de faire circuler des rumeurs au sujet des gens. Ça aussi, ça rentre dans les péchés. Et le cheikh il dit que ça rentre dans les kaba'ir, c'est-à-dire c'est dans les grands péchés, mais elles ne font pas perdre la foi en entier. Elles font seulement la diminuer. Jusqu'à ce qu'elle atteigne le poids d'une atome, une atome de foi, ou bien moins que ça même, comme on l'a déjà expliqué. Mais ça fait pas quitter une personne complètement la religion, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans sourate An-Nisa, dans le verset 48 et dans le verset 116, il dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne pardonne pas qu'on lui donne quoi que ce soit d'associé dans l'adoration avec lui, mais il pardonne toute autre chose à qui il veut, tout autre péché en dehors du shirk, Allah subhanahu wa ta'ala, il le pardonne à qui il veut. Donc c'est clair de ce verset là, c'est clair que la personne qui fait un péché parmi les kaba'ir, il est sous la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, Allah va lui pardonner par sa miséricorde, et si Allah subhanahu wa ta'ala décide, il va le punir par sa justice. Et le mu'min qui a une atome de foi dans le cœur, il ne va jamais demeurer éternellement en enfer. Tant qu'il n'a pas commis de shirk et de kufr, il va sortir après une période que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît, et il va être entré au paradis par la suite. C'est uniquement les mushrikines purs et les kuffars qui vont rester éternellement dans l'enfer. Après, le cheikh il mentionne d'autres preuves du Coran pour supporter cette explication là. Il dit wa in ta'ifatan min al-mu'minin iqtatalu fa aslihu baynahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu baynahuma bil-'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Donc le cheikh il dit que il utilise un verset pour montrer que la personne qui fait un grand péché, elle ne quitte pas la foi en entier. Dans le verset de Sourate Al-Hujurat, le verset 9, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, si deux groupes parmi les croyants, et Allah subhanahu wa ta'ala, donc le cheikh il dit, وَإِن طَائِفَتَانِ, c'est le verset qui dit, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, c'est-à-dire si deux groupes parmi les croyants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés des croyants. Il dit iqtatalu, ils se sont combattus. Fa aslihu baynahuma. Alors faites essayez de les essayez de faire une paix entre eux, essayez une entente. Essayez de faire une entente entre les deux pour qu'ils cessent de se combattre. Yani, essayez d'arranger le problème qui existe entre eux. Yani. D'accord, donc malgré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, il a dit qitalul muslimi sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr. Hein? Donc dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le fait d'insulter un musulman sibabul muslim fusuq, c'est un grand péché, yani. Et sibabu et qitaluhu, et le fait de le combattre, c'est kufr, de combattre un musulman. Donc, certains pourraient prendre ce hadith-là, hein, prendre ce hadith et dire, bon, si un musulman combat un autre musulman, ou si un musulman se bat avec un autre, automatiquement, il est kafir. Parce que le hadith dit, c'est bab al-muslimi fusuq wa qitaluhu kufr. Mais les ulama d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, lorsqu'ils utilisent les textes, et lorsqu'ils étudient les textes, ils ne prennent pas un texte en particulier, et il l'isole des autres. Non, quand ils regardent une question dans le Coran, ils prennent tous les textes qui se rapportent à un point avant de prendre une position et un jugement. Et c'est pas comme ceux par exemple qui se font une aqida dans leur tête, ou ils se font une croyance dans leur tête, puis ils vont aller retourner au texte pour essayer de trouver qu'est-ce qui peut supporter leur aqida. Comme font les gens de Bédard, ils s'établissent des règles et des principes en premier, puis après ça, une fois qu'ils les ont établis, soi-disant des principes rationnels comme ils appellent, eh bien ils établissent ces principes là, puis après ils retournent au Coran, puis là, ils essayent de trouver dans le Coran qu'est-ce qui pourrait supporter leur théorie ou leurs idées ou leurs pensées dans le Coran. Et donc, étant donné bien entendu qu'ils utilisent leur raison uniquement pour arriver à ces conclusions-là, eh bien, bien évidemment, ils tombent dans plein de contradictions, parce qu'ils vont trouver certains textes qui vont supporter leur position, mais en même temps, ils vont trouver d'autres textes qui vont contredire leur position. Alors, c'est là qu'ils vont tomber dans qu'est-ce qu'on appelle tahrif. Ils vont essayer de déformer le sens de certains textes pour essayer de les rendre en accord avec leurs principes qu'ils ont établis selon leur raison ou leur passion. Hein? Tandis que Ahl-Sunnah wal-Jama'a, c'est le contraire. On prend tous les textes que Allah a révélé qui parle d'un point en particulier, et ce que les ulama ont fait, et ils après ça ils ont pris de ces textes là les points qu'il faut en tirer, et puis ils les ont appliqués, c'est tout. Ils ont cru en ces principes là tels quels, d'accord, et ils ont réuni qu'est-ce qui était possible de réunir. Et yani alhamdulillah rabbil alamin. Et c'est pour ça que Ahlus Sunnah wal Jama'a, ils sont pas divisés, hein. Les salafiyoun, dans les questions d'aqida, ils sont tous unis. Et c'est pour ça qu'on les appelle Ahlus Sunnah wal Jama'a. Donc, dans l'autre hadith que j'avais mentionné, on voyait que la personne qui a combattu un autre musulman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit que c'était kufr. Toutefois, on voit ici que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne que s'il y a deux groupes parmi les mu'minines, Allah les a appelés les mu'minines, et il dit qu'ils se combattent, alors essayez de faire une paix entre eux, essayez de les réconcilier. Et si un des deux groupes transgresse contre l'autre, alors combattez le groupe qui transgresse jusqu'à ce qu'il revienne à l'ordre ou au commandement d'Allah. Et si yani, donc c'est ça le point qui est important à comprendre, qu'il faut comprendre bien que yani, s'il y a un conflit ou quoi, donc ça ne veut pas dire que les deux qui ont combattu sont des koufars. Parce que si c'était des koufars, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala aurait commandé de les exécuter, puisqu'on sait que quelqu'un qui quitte l'islam, la punition, c'est al-qatl, yani, c'est l'apostasie, la peine de l'apostasie, c'est yani, l'exécution. Et donc, étant donné qu'on voit que dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas commandé l'exécution, ça prouve que ces gens-là n'ont pas quitté la foi en entier. Et dans le verset, Allah, il dit à la fin, « فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. » Puis s'ils s'y conforment, hein, alors réconciliez-les avec justice et soyez équitables, car Allah, ou soyez justes, parce que Allah subhanahu wa ta'ala aime les justes. Donc ça clarifie ce point-là. Et il mentionne d'autres versets qui disent « إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. » Et ça c'est un autre verset qui vient juste après. C'est-à-dire, les croyants ne sont que des frères, alors réconciliez-vous entre vos frères. Donc ça veut dire que même s'il y a des conflits, si Allah il demande dans l'autre verset qui précède de faire une réconciliation entre deux groupes qui se combattent, ça, et que Allah dans l'autre verset qui vient après il dit alors réconciliez-vous parce que entre frères, et que c'est seulement les frères qui sont, c'est seulement les croyants qui sont des frères, donc ça veut dire que ce sont des croyants, même s'ils se sont combattus, hein. Et même on rapporte au sujet des Sahaba que même lorsqu'il y avait la fitna entre eux, et ben après le combat, le soir quand le combat était fini, ils se réunissaient puis ils priaient ensemble, les deux groupes opposés, quand c'était la salat, ils priaient ensemble, hein, subhanallah. Donc le cheikh ensuite il dit sammahum mu'minin ma'a annahum yaqtulu ba'dahum ba'dan, hein, وقتل المؤمن بغير حق كبير من الكبائر من كبائر الذنوب مع هذا لم يخرجهم من الإيمان فالكبائر التي دون الشرك تنقص الإيمان نقصا ظاهرا لكنها لا تخرج صاحبها من الدين وهكذا يقول أهل السنة. Donc le chef il dit que malgré qu'ils se combattent et qu'ils ont fait un grand péché parmi les grands péchés, hein, parmi les kaba'ir, ça ne les fait pas complètement sortir de l'iman. Ça fait uniquement diminuer leur foi. Hein. Et c'est une diminution de leur foi qui est apparente et qui ne les fait pas sortir de la religion. Et c'est ça la position de Ahl-Sunnah. Après il dit « Khilafan lima yaquluhu al-khawarij wal-mu'tazila wal-murji'ah » par opposition à ce que dit les groupes de bid'ah comme al-khawarij wal-mu'tazila et les murji'a. Al-khawarij, le Cheikh dit al-khawarij wal-mu'tazila tuzahabu ila anna murtakib al-kabira mukhalladun fil-nar wa annahu kharijun min al-imani bima'siyatihi. Donc les khawarij et les mu'tazila, les deux ils ont pris la position que la personne qui fait un grand péché et éternellement dans le feu de l'enfer, et qu'il sort de la foi à cause de son péché et de sa désobéissance. Al-Khawarij, ils ont dit que toute personne qui fait une kabira, un grand péché, il quitte la foi, devient kafir. Et il y en a d'autres qui sont les Mu'tazila, c'est une autre firqa. Eux, ils ont dit que bon, la personne qui fait une kabira, il n'est pas kafir et n'est pas mu'min. Ils ont inventé une bid'a qui s'appelle al-manzila bayn al-manzilatayn, c'est-à-dire le niveau entre les degrés, entre les deux degrés. Hein? Et yani, c'est une bid'a qui a été inventée par Wasil ibn Atta, ok, c'est lui qui a inventé cette bid'a. Puis par la suite, ben d'autres bid'a se sont rajoutés à ça. Et eux, ils disent que ça c'est le hukum dans la dunya, qu'une personne qui fait des kaba'ir, il n'est pas mu'min, il n'est pas kafir. Sauf que dans l'akhira, il est éternellement dans l'enfer, comme les khawarij, c'est-à-dire comme la position des khawarij. Les khawarij disent qu'il est kafir dans la dunya et éternellement dans l'enfer, dans l'akhira. Eux, ils ont dit non, dans la dunya, il n'est pas kafir, mais il n'est pas mu'min non plus. Il est entre les deux. Et puis dans l'akhira, eh bien, il sera en enfer pour l'éternité. Donc, ils rejoignent la position des khawarij en ce qui concerne le verdict de l'au-delà. Et le cheikh, il dit par la suite, والمرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينقص الإيمان بالمعصية أو بالمعاصي وكلا القولين باطل مخالف للحق وهما قولان على طرفي نقيض. Le cheikh dit, en ce qui concerne les murji'a, eux ils ont dit que avec la foi, une fois que tu as la foi, une fois que tu as dit la ilaha illallah, eh ben aucun péché ne peut te nuire. Hein, aucun péché ne peut nuire à ta foi, et ta foi va toujours rester comme elle est. Elle va pas diminuer à cause des péchés que tu fais. Hein? Donc, ces deux positions-là sont complètement fausses et elles sont en opposition avec la vérité. Et ce sont deux positions qui sont à deux extrêmes. Tandis que le cheikh il dit والحق هو الوسط وهو مذهب السلف وهو مذهب السلف أهل السنة والجماعة وهو أن يقال مرتكب الكبيرة إن لم يكن مستحلا لها فإنه ينقص إيمانه ولكنه لا يخرج من الإيمان فهو مؤمن ناقص الإيمان أو يقال هو مؤمن فاسق مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته اجتمع فيه الإيمان والفسوق هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة. Cheikh il dit que la vérité en ce qui concerne cette question là c'est le juste milieu entre ces deux extrêmes qu'on vient de mentionner, c'est à dire le madhhab de Ahl Sunna wal Jama'a, le madhhab des salaf. Et il dit que on dit nous à ce sujet là que la personne qui fait un ou qui commet une kabira, c'est-à-dire un grand péché, un péché majeur, un péché capital, on peut dire, yani, s'il ne l'a pas déclaré halal, eh ben, c'est qu'il fait diminuer, il fait uniquement, on dit seulement que ça diminue sa foi, mais il ne sort pas entièrement de la foi. Il est mu'min, c'est un croyant, mais sa foi est faible, ou sa foi est rabaissée, ou diminuée. On dit par exemple mu'min fasiq, c'est-à-dire c'est un croyant mais un croyant pécheur fasiq. Wa huwa mu'min bi imani, il est croyant par sa foi et pervers ou pécheur par son péché. Donc on dit que la foi s'est réunie en lui ainsi que le péché. Et ça c'est la position de Ahl Sunnah wal Jama'a en ce qui concerne la personne qui fait un grand péché. ولذلك شرع الله إقامة الحدود شرع إقامة الحدود على مرتكب بعض الجرائم الكبيرة فشرع حد الزنا والسرقة ونحو ذلك. Cheikh il dit c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il a légiféré l'établissement de certaines punitions pour certaines personnes qui commettent des grands péchés, des grands crimes, comme par exemple la punition pour la personne qui commet azdina et qui commet un vol ou des choses de ce genre. Cheikh il dit wa shara'a al-qisas min al-qatil wa khayyara awliya ad-dam bayn an ya'fuwa 'an al-qisas wa an yaqtassu wa law kana murtakib al-qatl kafiran بذلك لوجب قتله على كل حال ولا يفوض الأمر إلى أولياء الدم لأن المرتد يجب قتله ولا عفى ولو عفى عنه الخلق جميعا وإذا قتل القاتل فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين لأنه مسلم. Hein? Le Cheikh il dit en ce qui concerne, de même que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré al-qisas, c'est-à-dire comme on appelle en français la loi du talion. Donc pour celui qui commet un meurtre par exemple, il y a un choix pour les membres de la famille de la personne qui a été tuée. Ils peuvent par exemple demander que la personne soit exécutée, ou bien ils peuvent faire preuve de compassion puis ne pas demander l'application de la peine pour lui, hein, la peine de la mort. C'est-à-dire celui qui a exécuté, qui a tué quelqu'un, il est tué lui également, selon la loi de Al-Qisas, selon Al-Qisas, selon le talion, comme on dit, œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie, hein. Mais ça c'est pour la personne qui tue. Les parents ont le choix, ils peuvent demander que la peine soit appliquée sur le tueur, ou bien ils peuvent faire preuve de compassion puis ne pas le faire punir. Le cheikh il dit mais si la personne qui a commis un meurtre par exemple était kafir, eh ben dans ce cas-là ce serait obligatoire dans tous les cas que la personne soit exécutée. Et on n'aurait pas le choix aurait pas été remis aux proches de la personne qui a été tuée, aux proches de la victime, hein? Parce que le murtad, c'est obligatoire qu'il soit exécuté, et même si toutes les êtres humains veulent lui faire preuve de compassion et veulent l'excuser, c'est pas accepté dans le cas du murtad, c'est-à-dire dans le cas de l'apostat. فإذا قتل القاتل, lorsque le meurtrier par exemple est exécuté, celui qui a commis le meurtre, c'est-à-dire le musulman qui a commis le meurtre, le criminel, et bien dans l'islam, on le lave, selon la loi de l'islam, il est lavé son corps, et il est enterré, et on prie sur lui, comme on prie sur tous les morts musulmans ordinaires. Et il est enterré dans les cimetières des musulmans, parce que c'est un musulman. Le cheikh dit وكذلك الزاني إذا كان الزاني ثيبا يرجم بالحجارة حتى يموت فإذا رجم ومات فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. Donc le cheikh dit que la personne qui a commis un zina et qui est mariée, c'est-à-dire qui est ثيب, c'est pas une personne qui est célibataire qui a commis une zina. Dans ce cas-là, il y a une autre punition, c'est 100 coups de fouet et l'exil pour un an de son territoire ou de son pays. Mais pour la personne qui était mariée qui a commis une zina, la punition c'est la lapidation jusqu'à la mort avec les pierres. Mais si on l'a lapidé et qu'il est mort, on le lave, c'est-à-dire on lave son corps et on l'enterre et on prie sur lui et il est enterré dans le cimetière des musulmans. وكذلك إذا كان الزاني بكرا فإنه يجلد ويعامل معاملة المسلمين. Comme le zani, s'il est vierge ou s'il est par exemple n'a pas été marié, alors cette personne là il est lapidé, il est pas lapidé, il est fouetté sans coup de fouet et on agit avec lui comme un musulman. فلا ينفسخ نكاحه من زوجته ولا يؤخذ ماله لكنه مع إيمانه يكون فاسقا بزناه. C'est-à-dire, il peut rester, on le traite comme un musulman, son mariage avec sa femme n'est pas annulé, et on prend pas son bien, Et yani, c'est-à-dire, il a sa foi, mais en même temps, il est fasiq à cause de son adultère ou de sa fornication. Yani. Contrairement hein, au murtad, comme on peut l'expliquer après. On va l'expliquer après. Le cheikh, il donne un autre exemple. Il dit, وَكَذَلِكَ الْقَاذِفُ الَّذِي يَقْذِفُ الْأَبْرِيَاءَ بِالزِّنَا هَذَا يُجْلَدُ 80 جَلْدَةً ويثبت عليه وصف الفسق كما في نص القرآن على ذلك وأولئك هم الفاسقون ولكن لا يعامل معاملة الكفار وهذا يدل على أنه مسلم. Le cheikh il dit, en ce qui concerne Al-Qadhif, c'est-à-dire la personne qui accuse des personnes innocentes de zina, hein? Il dit, ah, cette personne-là, il a fait le zina, sans ramener des témoins. Alors celui-là, il est fouetté 80 coups de fouet dans la loi de la charia. Et on peut dire que cette personne est un fasiq, c'est-à-dire c'est un pécheur. Parce que Allah, il dit dans le verset, surat An-Nur, le verset 4, « Wa ulaika humul fasiqun » C'est-à-dire ceux-là sont les pécheurs, sont les pervers. Comme c'est mentionné dans le Coran, comme on vient de le dire, mais on l'agit avec lui, on n'agit pas avec lui comme un kafir, on agit avec lui comme un musulman, parce que ça ne fait pas quitter la foi. C'est un péché. Le cheikh il dit également, وَكَذَلِكَ شَارِبُ الْخَمْرِ يُجْلَدْ كَمَا جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي الْخَمْرِ وَأَجْمَعَ الصَّحَابَةُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنَّهُ يُجْلَدُ 80 جَلْدَةً ويعامل معاملة المسلمين ولو مات فإنه يصلى عليه من ميراث وميراثه يكون لأقاربه ولو مات مرتدا أو كافرا لصار ماله فيئا ببيت المال ولا يرثه أقاربه. Donc le cheikh il dit la même façon que la personne par exemple qui a bu de l'alcool, il est fouetté comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fouetté certaines personnes qui ont par exemple bu de l'alcool à son époque, il a appliqué sur eux la peine. Et le cheikh il dit que les sahaba se sont entendus sur le fait qu'ils se sont entendus après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam que la peine est de 80 coups de fouet. Et on agit avec lui comme un musulman. Et s'il meurt, alors on prie sur lui et son héritage va à ses proches. Tandis que s'il mourait comme étant un apostat ou kafir, ses biens, après sa mort, ça deviendrait un genre de butin pour le trésor des musulmans, comme Baytul Mal. Baytul Mal, c'est comme on peut dire, comme on appelle ici le trésor national des fois, c'est-à-dire l'argent qui appartient à tous les musulmans, que l'État, que les dirigeants doivent distribuer entre les gens qui en ont besoin. Donc, c'est pas ses proches qui vont hériter de cet argent-là s'il est kafir, parce que un musulman n'hérite pas d'un kafir. Mais donc ça prouve qu'il n'est pas kafir puisque on peut hériter de son argent. Après le cheikh il dit kullul ma'asi تنقص الإيمان ولكن بعضها ليس عليه حد في الدنيا بل عليه وعيد من الله عز وجل كالكذب والغيبة والغش في البيع والشراء وأكل الربا إذا لم يستحله أما إذا استحله فهو كافر حتى ولو لم يأكله لأن الاستحلال محرم ردة وكفر. Le cheikh il dit tous les péchés diminuent la foi, mais par contre il y a certains péchés au sujet desquels Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit une punition dans cette dunya, mais par contre pour d'autres péchés il n'y a pas de punition dans cette dunya qui a été prescrit spécifiquement dans un texte du Coran. Il y a seulement une menace générale de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour celui qui le fait, comme par exemple le fait de mentir, le fait de parler dans le dos de quelqu'un, le fait de tricher dans les transactions économiques ou dans les ventes ou dans les achats, de mentir, des choses de ce genre, ou le fait de prendre un riba pour la personne qui ne le rend pas ou le déclare pas halal, En ce qui concerne la personne qui le rend halal, alors cette personne-là est kafir, même si elle ne mange pas le riba. C'est-à-dire quelqu'un qui fait pas le péché lui-même, dit moi je fais pas le péché, mais il le déclare halal, hein, avec connaissance. Une personne comme ça, elle est kafir. Le cheikh il dit parce que le fait de déclarer quelque chose de haram, le fait de le rendre halal, c'est une forme d'apostasie et une forme de mécréance. Le cheikh il dit par la suite, لكن إذا أكله وهو يعتقد تحريمه مثل أن تغلبه محبة البال والطمع فهذا يكون فاسقا مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب ولكن ليس عليه حد وإنما عليه وعيد شديد حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit, mais si la personne par exemple elle a mangé du riba, elle a pris du riba et elle croit que c'est haram, mais que son amour pour les biens a pris le dessus sur lui, hein, et son désir pour le bien a pris le dessus sur lui, et bien dans ce cas-là, il est pécheur à cause de son grand péché, parce qu'il a fait un parmi les grands péchés. Mais même s'il n'y a pas de punition spécifique dans la charia pour ce péché-là, mais il y a tout de même une menace sévère de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour celui qui ne se repent pas à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir commis ce péché-là. Et il y a des musulmans aujourd'hui, Allah le musta'an, des fois j'ai remarqué ça, quand ils font un péché et tu vas leur dire par exemple un frère qui rase sa barbe, ou bien une sœur qui ne met pas le hijab, ou bien l'exemple par exemple les frères qui laissent leurs pantalons descendre plus bas que leur cheville et des choses comme ça, eh ben tu leur dis, ya akhi, c'est haram, tu dois pas faire ça. Ma asfal al ka'bayn fa fi an-nar, ce qui est en bas des chevilles, ça va aller dans le feu. Et eux, subhanallah, au lieu de soumettre et d'accepter la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils commencent à essayer d'argumenter. Quoi? Est-ce que Allah va me punir pour ça? Allah va me mettre en enfer pour des choses comme ça? Et ça, c'est très dangereux de parler de cette façon-là à propos des interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Ils croient que c'est une chose insignifiante. Pour eux, yani, ce péché-là qu'ils font, c'est, ils le voient insignifiant, alors que pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose de grand. Donc, inconcevable qu'un musulman parle de cette façon. Donc ça c'est un exemple. Après yani c'est comme si quelqu'un essaie de rabaisser ou de diminuer la grandeur d'un péché ou la laideur d'un péché. Après le cheikh il dit fal ma'asi tanqus al iman idha kanat dun al shirk sawa' kanat kaba'ir am sagha'ir wal kaba'ir 'ala qismayn qism rutiba 'alayhi al hudud وقسم رتب عليه الوعيد وليس فيه حد والمعاصي في نقصها للإيمان تتفاوت بعدها ينقص الإيمان نقصا كثيرا وبعدها دون ذلك وإذا تاب إلى الله جل وعلا توبة صحيحة غفر الله له ذنبه ومحاه عنه قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وبالله التوفيق. Donc, le cheikh, il explique ici un point important et il dit que les péchés font diminuer la foi. Les péchés font diminuer la foi. Et il dit que, tant que c'est plus bas que le shirk, tant que c'est pas un acte de shirk, hein, et le cheikh, il dit, tant que c'est pas du shirk, ça fait diminuer la foi. Peu importe que c'est un grand péché ou un petit péché, ça fait diminuer la foi également. Parce que quelqu'un pourrait penser que c'est seulement les grands péchés qui font diminuer la foi. Non, c'est les grands et les petits également qui font diminuer la foi, les grands et les petits. En fait, même que les ulama ont établi comme principe que les petits péchés, si on les fait avec persistance, si on les commet continuellement, ils deviennent des grands péchés. Hein? Les petits péchés, si quelqu'un les commet constamment, ils deviennent des grands péchés. Donc, quand quelqu'un fait un petit péché, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se repentir. Et comment on fait pour distinguer entre un grand péché et un petit péché? Les ulama, ils ont utilisé des principes, comme le cheikh il dit, que al-kaba'ir ou ala qismain, il dit, qismun rattaba alayhi al-hudud, ou qismun rattaba alayhi al-wa'id, wa laysa fihi had. Donc le cheikh il dit qu'il y a deux catégories. Une catégorie de kaba'ir qui a été établie, sur lesquelles on a établi une punition, au sujet desquelles on a établi une punition spécifique. Et une autre catégorie de kaba'ir, c'est ceux au sujet desquels il y a une menace. Une menace de l'enfer ou d'un châtiment, par exemple, dans un texte particulier, pour un péché en particulier. C'est ça qu'on peut définir comme étant un grand péché. Par contre, les petits péchés, c'est des textes, c'est des choses interdites au sujet desquelles il n'y a peut-être pas une punition, mais il n'y a peut-être pas non plus de menace claire, directe, mentionnée au sujet de ces péchés-là. Puis, les gens qui les font régulièrement, mais comme on a dit, ça devient un grand péché. Et puis, comme le cheikh il dit que les péchés, elles font diminuer la foi, mais elles font pas toutes diminuer la foi de la même façon. Certains péchés font beaucoup diminuer la foi, et certains péchés font diminuer la foi un peu moins, selon la grandeur du péché. Et puis c'est également aussi selon l'intention ou selon l'état du cœur de la personne lorsqu'il commet son péché. Yani, s'il le fait avec une crainte en même temps, yani, les gens peut-être ils vont commettre un péché, mais en même temps ils se sentent tellement mal de le faire, yani, cette personne-là, son péché c'est pas la même chose que la personne qui commet le péché puis qui le fait, yani, sans aucune crainte et sans aucun remords. Yani. Il y a aussi la situation du cœur de la personne au moment du péché qui est fait, yani. Hein? Donc tout ça, c'est Allah, il tient compte de toutes ces choses-là, puis bien entendu son péché va être sa foi va diminuer ou augmente, sa foi va diminuer selon tous ces facteurs-là. Et le cheikh il dit, par contre, lorsque la personne qui commet le péché se repent à Allah subhanahu wa ta'ala d'une repentance correcte, une repentance sincère, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne son péché et lui efface. Hein? Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset, dans Surat al-Furqan, le verset 68 à 70, il dit: et ceux qui n'invoquent pas d'autre Dieu avec Allah, hein, ceux qui ne font pas d'invocation à d'autres choses que à Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'invoquent pas d'autres divinités et ils ne tuent pas la vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendue sacrée, et ils ne font pas la fornication, le zina, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, parce que quiconque fera cela encourra une punition et un châtiment qui lui sera doublé au jour de la résurrection. Et il demeurera éternellement dans l'enfer couvert d'ignominie. Puis ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, sauf, excepté celui qui se repent, qui croit, man illa man taba wa amana wa amila amalan saliha. Excepté celui qui s'est repenti, qui a cru et qui a accompli de bonnes œuvres, ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Allah subhanahu wa ta'ala va remplacer leurs mauvaises actions par des bonnes. يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Pour voir où est-ce qu'on est rendu, on est rendu à... Ok. Donc, ok. Donc là, on a terminé cette partie qui est Al-Iman. Al-Iman fil Qur'an. Et on est rendu à la partie où le cheikh il commence le cours numéro 6, c'est-à-dire Bayan al-Kufri wa al-Shirki fil Qur'an al-Karim. Donc on va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Puis la semaine, demain, dimanche, inshallah, on va commencer le cours numéro 6 qui concerne le shirk et le kufr et le shirk. Et yani le kufr et le shirk dans le Coran al-Karim, comment Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de ces deux choses là et c'est quoi leur catégorie et c'est quoi les règles qui se rapportent au kufr et au shirk dans le Coran. Donc on va s'arrêter ici parce que déjà on a fait un bon dars aujourd'hui et puis le sujet a été clarifié. Et puis on se revoit demain bismillah 9h30 pour les gens de Montréal et pour les gens de France c'est je crois 3h30 inchallah. Donc subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran.